285e chapitre. Une journée mouvementée, la chute suite. L'aéro descendait avec un sifflement lugubre. La lune s'était cachée derrière de gros nuages. Au-dessous des aviateurs, c'était l'obscurité complète. L'atterrissage pouvait être fatal. L'appareil pouvait se briser net sur les rochers. Pourtant, le hasard, qui fait parfois bien les choses, favorisa encore une fois les aviateurs. Le monoplan se posa à terre avec violence, mais enfin rien ne fut brisé. Le sol sur lequel il s'était posé était lisse et uni comme une piste. « Ouf !» s'écria Fabien. « On peut dire que nous venons de l'échapper belle. C'est extraordinaire d'atterrir aussi violemment sans casser de bois. « Où sommes-nous ici ?» demanda Francis. « Ma foi, » fit le Parisien, « je t'avouerai que je n'en ai pas la moindre idée. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous sommes sur une montagne. » Fabien avait raison. Les aviateurs se trouvaient en effet sur les monts Hooker. La base de ces montagnes est composée de roches granitoïdes intercalées de roches schistiques et micacées. Elles sont très abondantes en cuivre, en fer et en plomb. On y trouve même de l'or. La partie supérieure, située au-dessus de 3500 mètres d'élévation, est occupée par des glaciers perpétuels. La partie supérieure, jusqu'à 2000 mètres, est assez généralement boisée. Il y croît des sapins, des ifs, des hêtres. Au-dessous de 1000 mètres, on trouve des châtaigniers et des prairies. Les gens qui habitent ces montagnes se nomment les Djimb. Le Djimb est un solide montagnard. C'est en vain qu'un hiver de 6 mois déploie contre lui toute son âpreté. Renfermé dans sa hutte, sous un chaume couvert de 20 pieds de neige, il n'en sentira pas les atteintes. Il vivra au milieu de ses troupeaux dans une douce température. Il vivra du lait de ses brebis, se nourrira de leur chair, se couvrira de leur toison. Pour communiquer durant l'hiver avec les diverses parties de son domaine, il franchira les neiges portées sur de larges raquettes, ou bien il creusera sous elles de longues et froides galeries. Il sait glisser à volonté sur des pentes escarpées ou s'y rendre immobile au moyen de crampons. S'il aperçoit sur la cime des monts un arbre nécessaire à ses constructions, il s'y rend seul. Il attaque avec sa hache un hêtre séculaire immense, au pied duquel il est à peine visible. Il dirige la chute de ce colosse vers une pente glacée sur laquelle il sait le faire glisser jusqu'à sa demeure, après l'avoir dépouillé de ses branches. Retenu le plus souvent dans son étable, il s'y instruit, se civilise, enseigne ses enfants et ses serviteurs. Il tient école pour eux. Professeur le plus élevé et le plus inaccessible qu'il y ait sur le globe, il ne craint pas que l'université le précipite du haut de sa chaire. Si, durant l'hiver, un voyageur souffrant et morfondu se présente à la porte de sa cabane, il ne le renvoie pas. Il le reçoit et l'accueille et lui dit « Mets-toi ici et mange, ma demeure est la tienne. » Telle est la vie du Djimb. Lorsque la grive, messagère des beaux jours, annonce par son joyeux ramage le retour du printemps, que les abeilles essaient dans les airs leurs ailes encore engourdies, il prend part à l'allégresse universelle. Il compte les agneaux nés dans son étable durant l'hiver, il pèse les laines que ses serviteurs et ses enfants ont filées, il mesure les draps qu'il a fabriqués, les osiers qu'il a façonnés en paniers et en corbeilles. Alors il fait sortir son troupeau, il monte avec lui sur la montagne. Là, il trouve une autre maison, ou plutôt un abri de printemps dans lequel il s'établit. À mesure que les neiges fondent, il monte sur les plateaux plus élevés jusqu'à ce qu'il arrive au pied du glacier qui forme la limite de son domaine.